El licenciado Víctor López Montoya presenta Adquisición múltiple de idiomas. Desarrolle las facultades prodigiosas de su cerebro. Intuición, creatividad, adquisición múltiple de idiomas, cálculo matemático veloz, memoria fotográfica, poder con imágenes, lectura rápida, oído musical perfecto, autoestima y felicidad. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit mon bébé. Bonjour mon amour, comment ça va mon petit chéri? Comment ça va mon trésor? Très bien, n'est-ce pas? C'est parfait. Tu es un enfant en bonne santé, fort et très intelligent. Tu es un enfant très éveillé. Calme et équilibré. Tu manges bien, tu dors plusieurs heures sans interruption pour te reposer profondément. Tu te réveilles bien reposé et plein d'énergie. Tu es un bébé heureux et souriant, en bonne santé et débordant d'énergie. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Le soleil brille. Quelle magnifique journée. Les jours de la semaine sont... Le premier, c'est lundi, le jour de la lune. Le deuxième, c'est mardi, le jour de Mars. Le troisième... C'est mercredi, le jour de Mercure. Le quatrième, c'est jeudi, le jour de Jupiter. Le cinquième, c'est vendredi, le jour de Vénus. Le sixième, c'est samedi, le jour de Saturne. Le septième, c'est dimanche, le jour du Soleil. Nous allons compter de 1 à 10 avec des sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du ventre de maman, on écoute son cœur battre. Tonton, tonton, tonton. On entend son sang circuler. Chou, chou, chou. J'écoute ses pensées et ses émotions. Sa joie lorsqu'elle est contente. Quand maman est en train de dormir, j'entends chou. Maman et moi, on est connectés. Maman et moi ne faisons qu'un. Maman rêve qu'elle joue avec moi dans le jardin. Maman s'est réveillée. Oh. Oh. Ouvre les yeux respire profondément et dit « Bonjour, j'ai très bien dormi. » Maman se réveille de bonne heure ce matin. Avec le réveil, dring, dring, dring. Elle soulève l'oreiller, se redresse, allume la lampe de chevet, repousse la couette, sort du lit, ouvre l'armoire et sort une robe de chambre qu'elle enfile. Elle se rend de l'autre côté du lit en marchant sur le tapis, embrasse papa et lui dit « Réveille-toi, mon chéri. » Papa se réveille aussi, se lève rapidement et va directement à la salle de bain. Se regarde dans la glace et pour se raser, il prend le rasoir et la mousse à raser. Se rase, se lave dans le lavabo, enlève ses chaussons et son pyjama. Il se met dans la douche. Il ouvre le robinet d'eau chaude qu'il mélange avec l'eau froide, se met sous le jet, prend le savon, se frotte le corps et commence à chanter et à siffler. Oh, sol et mio. Après, il se met du shampoing dans les cheveux et se les lave. En sortant de la douche, il marche sur le tapis de bain, prend la serviette, se sèche, prend le peigne, se regarde dans la glace et se coiffe. Il remet ses chaussons et la robe de chambre et sort pour aller à la cuisine afin de préparer le petit déjeuner avec maman. Pendant ce temps, maman est dans la cuisine, réchauffant le café et le lait. Papa se lave les mains et prend une poêle sur l'étagère pour faire cuire les œufs. La met sur la cuisinière qu'il allume, ouvre le frigo et prend une tomate et un morceau d'oignon. Il les coupe, les mélange aux œufs avec de l'huile et du sel et jette les coquilles d'œufs à la poubelle qui est par terre. Maman installe les chaises autour de la table et peu après met la nappe sur la table. Papa pose les tasses, les soucoupes, les serviettes, le pain tranché, les biscuits, le sucre, le sel, le poivre, le beurre, la confiture, les couverts et les assiettes. Maman sert les œufs brouillés dans les assiettes. Papa prend la cafetière et sert le café chaud dans les tasses. Puis il ajoute le lait dans le café et s'assoit avec maman à table. Maman prend deux morceaux de sucre et les met dans son café, remue et prend deux biscuits qu'elle mange après les avoir trempés dans son café au lait. Papa prend du pain sur lequel il met du beurre et de la confiture. Maman dit « Mon amour, le café est délicieux !» Papa répond « Les œufs sont à s'en lécher les doigts. » Peu après avoir terminé son petit déjeuner, maman dit « Mon chéri, j'ai encore faim !» Et papa lui répond « Ne t'inquiète pas, veux-tu un fruit ? Il y a de la pastèque, du melon, des mangues, du raisin, des pommes et des poires aussi. » Maman répond « Un peu de melon et du raisin. » Papa prend un couteau et coupe un morceau de melon qu'il met dans une assiette et lui donne. Ensuite, il prend une branche de raisin, la lave et lui donne aussi. Maman mange tout. Papa dit à maman, « Ma chérie, tout était délicieux, merci. » Maman se lève et met les assiettes et les couverts sales dans l'évier. Papa va dans la chambre pour s'habiller. Il enlève ses vêtements, ouvre l'armoire et en sort un caleçon, une paire de chaussettes, une chemise, un mouchoir, une cravate, un costume et des chaussures. Pendant ce temps, maman est en train de se laver. Ensuite, papa sort de la chambre habillé et va dans l'autre salle de bain pour se laver les dents. Il prend la brosse à dents et met le dentifrice, se brosse les dents quelques secondes, se rince, s'essuie avec la serviette et va dans le bureau. Il prend son attaché-caisse et le met sur le bureau. L'ouvre, prend son agenda, un stylo, une calculatrice et les met dans l'attaché-caisse qu'il referme et qu'il emporte avec lui. Maintenant, maman est en train de se maquiller. Les yeux avec du fard à paupières, les cils avec du mascara noir, les sourcils avec un crayon noir, les pommettes avec du rouge à joues, les lèvres avec du rouge à lèvres rouge. Et pour finir, elle se met du vernis à ongles transparent. Maman met une robe bleue, un collier et des boucles d'oreilles blancs, une paire de collants beige et des chaussures noires. Maintenant, maman s'assoit dans le fauteuil pour se reposer un moment et sent son bébé intelligent, équilibré et heureux. Tu es un enfant en bonne santé, fort et très intelligent. Tu es un enfant très éveillé, calme et équilibré. Tu manges bien et tu dors de longues heures sans interruption afin de bien te reposer. Tu te réveilles bien reposé et plein d'énergie. Tu es un bébé heureux et souriant, en bonne santé et débordant d'énergie. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Maintenant, maman s'apprête à sortir pour faire des courses à l'épicerie d'à côté et à aller chez le coiffeur. Elle prend le téléphone et compose le numéro du salon de coiffure. 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8 pour demander un rendez-vous. On lui donne un rendez-vous dans 2 heures. Elle va dans la chambre, prend son portefeuille et son porte-monnaie, va dans la cuisine pour prendre son panier. Elle ouvre la porte d'entrée, sort et la referme à double tour. Elle se dirige vers la rue, en regardant avec satisfaction sa maison si jolie. C'est une belle maison au toit rouge, avec une cheminée, un garage, de hauts murs, de grandes fenêtres, avec des volets en bois, des serrures en fer. Dans le garage, il y a les outils du jardin, l'arrosoir, le râteau, la pelle, la tondeuse à gazon. La maison est entourée d'un jardin splendide, avec plusieurs sortes d'arbres. Un pin, un eucalyptus, un pommier, un poirier, un citronnier et un oranger. Il y a aussi de belles fleurs, des roses, des œillets, des tulipes, des azalées, des marguerites, des violettes et des géraniums. Le gazon a été récemment coupé. Au fond du jardin, il y a la maison du gardien, le chien, un berger allemand qui surveille la maison. Maman regarde dans la boîte aux lettres, y trouve une lettre qu'elle met dans son portefeuille. Elle ouvre le portail et sort sur le trottoir. Elle se dirige vers la zone commerçante du quartier. Elle arrive au coin de rue très passant et attend que le feu se mette au vert pour les piétons pour pouvoir traverser. Il y a beaucoup de circulation, des voitures, des motos et des vélos. Enfin, le feu passe au vert et elle traverse sur le passage piéton. Elle arrive sur le trottoir d'en face où il y a beaucoup de boutiques. Maman s'arrête devant une boutique de vêtements et un chemisier bleu porté par un mannequin attire son attention. Elle continue et arrive à la boulangerie. Elle entre, demande une baguette. Le boulanger, un gros monsieur, souriant avec des moustaches, une barbe, de grands yeux et une casquette blanche, lui donne le pain. Et maman le paye avec des pièces de monnaie. Maman met le pain dans le panier, sort et continue en marchant sur le trottoir jusqu'à la boucherie, où une connaissance, Monsieur Albert, la reçoit. C'est un grand homme mince, avec un long nez. Maman lui demande un gros poulet et un kilo de viande de bœuf. Elle paye, elle dit au revoir et entre dans la boutique suivante où il y a beaucoup de choses. Ils vendent presque de tout. Elle prend un chariot, va au rayon des fruits et prend une pastèque, deux pommes rouges aussi, trois oranges, quatre prunes, cinq bananes, six abricots, sept citrons, huit cerises, neuf raisins noirs et dix fraises. Ensuite, elle prend un litre de lait, une douzaine d'œufs et un kilo de pommes de terre. Pour finir, elle va jusqu'à la caisse où elle pose les articles. On les lui met dans des sacs plastiques, on lui encaisse, elle paye avec sa carte. Elle prend les sacs plastiques remplis, les met dans le panier et sort de l'épicerie. Elle marche jusqu'au coin où il y a le salon de coiffure de Madeleine. Entre et dit bonjour à Madeleine, une grande femme mince, aux cheveux longs et blonds, qui l'invite à s'asseoir dans la salle d'attente où elle prend une chaise et deux revues qu'elle commence à feuilleter. Soudain, une femme, petite et grosse, aux cheveux noirs et courts, avec un serre-tête et des boucles d'oreilles rouges et rondes et un collier de perles, s'approche en lui disant qu'elle s'appelle Thérèse et qu'elle pouvait passer se faire couper les cheveux. Elle l'accompagne jusqu'à un grand fauteuil en cuir noir, devant un grand miroir, très illuminé par deux grandes et puissantes ampoules. Thérèse lui met un grand peignoir blanc pour éviter que ses vêtements soient pleins de cheveux. Madame Thérèse commence à lui couper les cheveux avec de petits ciseaux. Après quelques minutes, maman regarde par en dessous, vers le mur, où il y a une horloge, et voit l'heure. Madame Thérèse lui dit que maintenant, la coupe est terminée et qu'elle va laver les cheveux avec du shampoing. Elle lui sèche avec une serviette et un sèche-cheveux. Ensuite, elle la coiffe et lui met de la laque. Maman se regarde dans la glace, est satisfaite et sourit, contente. Elle va à la caisse et paye. Elle dit au revoir à Madame Thérèse et à son amie Madeleine. Elle sort du salon de coiffure et il pleut à verse. Alors elle sort un parapluie, agite la main pour arrêter un taxi qui lui ouvre la portière arrière. Elle entre, dit bonjour et lui demande de l'emmener à deux coins de rue tout droit, là où elle habite. Ils arrivent au feu rouge, s'arrêtent, le feu passe au vert et redémarre. Ils arrivent à la maison, le chauffeur lui demande de payer, elle paye, ouvre la porte, sort avec le panier, arrive au portail, sort la clé, ouvre, referme et arrive enfin à la maison. Elle se dirige à la cuisine et dépose le panier sur la table de la cuisine, vide tout ce qu'il contient et commence à tout mettre dans le frigo. Maman est fatiguée. Elle va se reposer dans le fauteuil dans le salon et ferme les yeux. Bonjour, bon après-midi. Bonne nuit, mon bébé. Bonjour, mon amour. Comment ça va, mon petit chéri? Comment ça va, mon trésor? Très bien, n'est-ce pas? C'est parfait. Tu es un enfant en bonne santé, fort et très intelligent. Tu es un enfant très éveillé, calme et équilibré. Tu manges bien, tu dors plusieurs heures sans interruption pour te reposer profondément. Tu te réveilles bien reposé et plein d'énergie. Tu es un bébé heureux et souriant, en bonne santé et débordant d'énergie. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Réveil, oreiller, lampe, table de nuit, édredon, lit, armoire, robe de chambre, tapis, salle de bain, miroir, rasoir, mousse à raser, lavabo, chaussons, vêtements, douche, jet, savon, corps, shampoing, cheveux, serviette, peigne, cuisine, petit déjeuner, café, lait, main, étagère, casserole, œufs, cuisinière, frigidaire, tomates, oignons, huile, sel, poivre, poêle, coquille, boîte à ordures, sol, chaise, table, nappe, tasse, soucoupe, serviette de table, pain tranché, biscuit, sucre, sel, poivre, beurre, couvert, assiette, table, cafetière, tasse, lait, café, morceaux de sucre, beurre, doigts, pastèque, melon, mangue, raisin, pomme, poire, couteau, chambre, vêtements, armoire, caleçon, chaussettes, chemise, mouchoir, cravate, costume, chaussures, robe, dents, brosse, dentifrice, bureau, attaché-caisse. Thank you.